La signalisation interdit l'arrêt et le stationnement sur la chaussée et sur l'accotement à droite. Le panonceau précise que cette interdiction s'applique avant et après le panneau. En l'absence de toute autre indication, cette interdiction prend fin à la prochaine intersection. Réponse B,